Merci beaucoup, Blockbuster, pour cette émission sur WoW. Ça faisait longtemps que j'attendais. Et surtout, pour la Horde. Oui, salut Fred, c'est Clément. Petite anecdote sur World of Warcraft. Je suis infirmier et je fais des soins à domicile. Et un jour, je me rends au domicile d'un patient pour soigner un jeune homme qui s'était cassé la jambe et lui faire une injection. Quand j'arrive, sa mère est en train de lui passer un énorme savon car il veut pas quitter son ordinateur pour que je lui fasse les soins. J'ai dû monter, soigner ce monsieur pendant son raid parce qu'il ne pouvait pas lâcher son clavier. Je me suis glissé sous le bureau et je l'ai piqué dans sa cuisse. Du travail ? Encore du travail ? Travail terminé. Voilà, bonjour Blockbuster. World of Warcraft est sorti à 20 ans et à 20 ans, bah, après que j'avais un cancer et je faisais de la chimio et WoW m'a permis de m'échapper et à ne plus penser à ma maladie. J'ai rencontré plein d'amis et fait plein de nuits blanches sur des donjons. J'ai arrêté il y a bien longtemps de jouer à WoW, mais je suis toujours là. Voilà, je vous remercie. Bonjour Blockbuster, voilà, juste pour vous dire que j'ai religieusement pas écouté l'émission de juillet en prévision des 12h16 de TER que je ferai demain. Alors voilà, on va traverser 36 gares, faire 3 changements entre Besançon et Angers, donc merci d'avance pour cette délicieuse distraction. Bisous à vous et puis à Dedo aussi, puisque j'imagine qu'il a été ou sera là un moment ou un autre. A plus. To be or not to be, not to be. Bob Odenkirk va mieux. Qui ça? Bob Odenkirk, l'acteur qui joue l'avocat Saul Goodman dans l'excellente série Breaking Bad, dont je vous ai déjà parlé, et sa suite, l'aussi bonne, si ce n'est meilleure série, Better Call Saul. Avant-hier, en plein tournage, Bob Odenkirk s'est écroulé suite à un malaise cardiaque. Il a été conduit immédiatement à l'hôpital, son pronostic vital étant engagé. Alors ça arrive malheureusement à des millions de personnes tous les jours, et une certaine forme d'apathie devrait faire que l'on n'en parle même plus. Mais ce qui s'est passé hier, dans le cas de Bob Odenkirk, c'est que ça a déclenché une vague de messages inquiets venant des spectateurs du monde entier. Sur les réseaux sociaux, on avait vraiment l'impression que les gens tentaient d'avoir des nouvelles d'un membre de leur famille. Pourtant, Bob Odenkirk n'a pas les stigmates d'une star. C'est même précisément pour son incroyable talent à interpréter Monsieur Tout-le-Monde, Mr. Nobody, qu'il s'est fait connaître. Saul Goodman, son personnage, n'est pas un héros, c'est même pas le héros de sa propre histoire. Contrairement à de nombreux méchants de l'histoire de la télévision qui réécrivent le récit pour se donner le beau rôle, Saul Goodman sait qu'il n'est pas un chic type et qu'il a en lui cette possibilité de tout faire foirer. Saul Goodman et son interprète, c'est le visage de ceux qui trébuchent, de ceux qui perdent. Hier, en apprenant qu'il s'en était sorti, le monde était content que pour une fois, il ait gagné. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Emmett, croyez-vous qu'un jour viendra où nous pourrons nous embarquer pour la Lune, comme nous voyageons à travers le pays en train? Sans nul doute. Remarquez, il faudra attendre 84 ans et ce ne sera pas en train, mais en véhicule spatial, en capsule envoyée dans les airs par des fusées, des appareils qui produisent de gigantesques explosions, des explosions si puissantes qu'elles... Qu'elles suppriment tout effet de pesanteur et envoient le projectile dans la stratosphère. Emmett, j'ai lu ce livre comme vous. Vous m'avez cité un passage du livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Vous avez lu Jules Verne? L'autrice la plus traduite en langue étrangère sur cette petite planète bleue que l'on appelle la Terre se nomme Agatha Christie. À la troisième place, on trouve un certain William Shakespeare, mais sur la deuxième marche, cocorico, on trouve le romancier français Jules Verne. L'œuvre de Jules Verne, fruit de sa plume prolifique et de ses connaissances scientifiques et sa vulgarisation, a cartographié pour des millions de lecteurs une certaine idée de l'imaginaire. Pour revenir sur celui que l'on présente un peu comme le père fondateur de la science-fiction, j'ai avec moi Nicolas Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en lettres modernes et auteur de « Les mondes extraordinaires de Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction », un livre qui paraît aux éditions Armand Collin le 20 octobre 2021. C'est ça. Avec nous également, et on est ravis, Laurent Surdret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres et cofondatrice du club Jules Verne. Oui, alors oui, effectivement. Et je suis aussi secrétaire générale de la société Jules Verne. Alors ça, c'était parce qu'on était modeste, on ne voulait pas aller jusque-là. Mais... Alors non, parce qu'il faut préciser que le club Jules Verne, c'est une partie de l'ARP, qui est l'association des amis du roman populaire. Oui, ben, voilà. J'allais le dire, mais je ne le savais pas. Avec nous également Bruno Delabriole, alias Pierrot, du duo Redek et Pierrot sur la chaîne littéraire Le Moque sur YouTube. Bonjour. Bonjour. Ensemble, on va revenir sur la vie de Jules Verne, comment celui qui a commencé en tant qu'auteur de pièces de théâtre est devenu cet architecte du roman d'aventure, d'où vient son rayonnement mondial, quel est son héritage pour la pop culture. On va tenter, bref, de faire le tour de Jules Verne en moins d'une heure, autant dire que c'est pas gagné, mais on va essayer. C'est un bateau, mes amis. L'animal que vous vouliez harponner, Ned, a été construit par la main des hommes. C'est un bateau sous-marin. Sous-marin ? Eh bien, sous-marin ou pas, ce bateau ne marche pas tout seul. Il a un équipage pour le conduire. Et il faut lui demander asile sans attendre. S'il lui prenait fantaisie de plonger, je ne donnerais pas $2 de ma peau. Ouvrez ! Ouvrez donc, navigateur peu hospitalier ! Curieux équipage. Je n'ai jamais vu de marin ainsi vêtu. Il nous fait signe de l'accompagner. Suivons-le, mes amis. Nous pénétrons dans l'étrange navire à la suite de l'homme mystérieux. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Notre guide nous introduit dans une sorte de salon richement décoré, aux murs tendus d'étoffes rouges sombres. Assis devant un grand piano-orgue, un homme au visage noble se lève à notre entrée. C'est évidemment le commandant de cet étrange bateau. Je me fais connaître et lui présente mes compagnons tout en lui expliquant rapidement notre aventure. Messieurs, les circonstances ont voulu que vous surpreniez un secret qui doit rester ignoré de tous et rien ne m'oblige à vous donner l'hospitalité. J'ai rompu avec la société entière pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier, et vous resterez pourtant à mon bord puisque la fatalité vous y a jeté. Voulez-vous dire que nous devons renoncer à revoir jamais nos patries ? Nous n'avons pas le choix, Maître Land. Je ne vous ai pas invité sur le Nautilus, mais puisque vous y demeurerez. C'était un extrait de 20 000 lieues sous les mers, le livre audio édité par le Petit Ménestrel en 1966, avec la voix de Jean Gabin dans le rôle du capitaine Nemo, sur une musique de Maurice Jarre. Et vous avez sûrement reconnu un sample de l'École du micro d'argent, ce célèbre morceau d'IAM dans l'album du même nom. Laurence Sudray. Décidément, ça va s'arranger ensuite, vous inquiétez pas. Quel genre d'enfance a eu Jules Verne ? Alors, il a eu une enfance relativement calme. Son père était avoué, donc il faisait partie de la bourgeoisie de Nantes. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, et il a eu une enfance très proche de celle de son frère, puisque son frère est né un an après lui. Donc, ils étaient très très proches, ce qui explique peut-être d'ailleurs les doubles de frères qu'on a très souvent dans les voyages extraordinaires. Il y avait quelque chose, vraiment une proximité très très forte entre eux, et il avait 3 sœurs ensuite. Mais elles sont nées quelques années après, ce qui fait que, bon, ils n'ont pas grandi vraiment ensemble. Mais grandissant à Nantes, naturellement, c'est un port. Donc beaucoup de bateaux, beaucoup de va-et-vient, de grands bâtiments qui sont en partance, et ça a nécessairement eu un impact sur lui. Ça s'ajoute à ses lectures, puisque c'est aussi un grand lecteur, et c'est un élève qui est somme toute assez, qui est assez bon. Il a eu un certain nombre de prix, et il lit énormément. D'ailleurs, les Robinsonades, les Îles désertes, ça lui vient essentiellement de ses lectures, et ça s'est conforté avec ces différents bâtiments qui partaient en permanence de Nantes. Tout jeune, il avait déjà un auteur de prédilection ? Un auteur de prédilection, ça je ne sais pas. En tous les cas, il a eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour Defoe, pour Fenimore Cooper, qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup les récits de tout ce qui se passait dans le Nord-Amérique. Ça lui plaisait aussi beaucoup. Il aimait beaucoup Dickens. Il le revendiquait, d'ailleurs, c'était selon lui le plus grand romancier anglais. Donc, il lisait Victor Hugo, c'était un grand lecteur. Oui. Voilà, il a commencé assez jeune. Et cette envie de voyage, comment elle a été accueillie par sa famille ? Je me suis laissé dire que son père n'était pas forcément d'accord pour le voir embrasser la carrière de marin. Alors, la carrière de marin, je crois pas qu'il ait vraiment eu envie de l'embrasser à un moment donné de sa vie. Son frère l'a fait. Puisque son frère a été marin. Ce que le père surtout ne voulait pas, c'était qu'il devienne romancier, qu'il embrasse la carrière littéraire surtout, puisqu'il était destiné à prendre sa succession Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait des études de droit. Jules Verne n'était pas scientifique du tout, il n'a pas fait d'études de sciences du tout. Lui, il a fait des études de droit et en parallèle des études de lettres, puisque ce qui lui tenait à cœur, c'était d'embrasser la carrière littéraire. Le petit hic, entre guillemets, entre le fils et le père, a surtout eu lieu lorsqu'il a tenu tête à son père et qu'il a tenu bon en disant qu'il ne voulait pas devenir avoué et qu'il ne voulait pas prendre la succession de son père. Il a eu raison de tenir bon. Et l'épisode de la fugue, enfin toute petite fugue quand il était enfant. Alors c'est une légende c'est une légende qui probablement a été inventée par l'autrice d'une des premières biographies. Voilà, Marguerite Allod de La Fue, on le sait, un peu romancé l'enfance de Jules Verne. Ça fait partie de ce qu'elle a un petit peu amélioré. Est-ce que c'est elle qui a inventé cette histoire ou est-ce que c'était une légende qui tournait déjà un petit peu dans la famille? Bon, ça, on ne le sait pas, mais ça n'est pas vrai, c'est une légende. C'est une belle légende, mais c'est une légende. Ce qui est vrai, c'est qu'il a, il s'est inventé une sorte de naufrage une fois, puisqu'il a visité un bateau, il s'est retrouvé tout seul, un petit peu à l'écart. Il a joué au Robinson quelques heures, et puis il est rentré chez lui le soir. Il a rentabilisé son fantasme d'une heure. Hein. Voilà, oui, complètement. Absolument, d'ailleurs, puisqu'il en a écrit un souvenir quelques années plus tard. Un certain nombre d'années plus tard, il a écrit « Souvenirs de jeunesse ». C'est un très beau texte d'ailleurs, c'est un texte assez émouvant. C'est une invitation, s'il y a des parents qui nous écoutent, vous pouvez perdre vos enfants pendant très peu de temps. Peut-être que vous êtes en train de créer un artiste futur romancier. Voilà, on ne sait jamais. Et alors, il y a évidemment ce moment où il va à Paris, où il a donc l'ambition de faire du droit, mais en même temps ça ne lui plaît pas vraiment. Et il y a ses rencontres aussi avec la société littéraire de l'époque, Nicolas Allard. Comment ça se passe ? Oui, alors il a beaucoup de fréquentations en fait avec les Dumas, le père et le fils en fait, parce que au départ Jules Verne pense être destiné à être dramaturge. Hein, il n'écrit pas de roman dans un premier temps. Et il a une fréquentation amicale avec les Dumas. Il fréquente des salons littéraires qui vont lui permettre également de rencontrer des personnes qui ne sont pas nécessairement des écrivains, comme Arago, qui est l'un des grands aventuriers de l'époque, avec qui il va beaucoup échanger, qui va justement renforcer son intérêt pour le roman d'aventure, parce que c'est vrai que Laurence l'a dit tout à l'heure, mais Robinson Crusoe était un de ses livres de chevet. Et puis là, il va également faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Nadar et qui est l'un des premiers justement à vouloir promouvoir le vol en ballon en fait. Et on retrouve souvent d'ailleurs cette thématique-là du vol aérien chez Jules Verne. Et donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au milieu littéraire, qui a véritablement envie de s'opposer au projet paternel qui consisterait à travailler dans le domaine du droit. Mais en même temps, dans ses fréquentations, c'est à la fois la littérature qui va dominer, et également cette thématique du voyage, de l'aventure, avec Nadar ou avec Arago. Mais c'est donc un homme un petit peu de paradoxe quand on y réfléchit, parce que donc il n'a donc pas voyagé, il n'était pas destiné à la carrière d'auteur, mais oui. Non seulement il n'était pas destiné à la carrière d'auteur, mais en plus lui il voulait plutôt devenir dramaturge, oui. Et il se retrouve à faire des romans de vulgarisation scientifique qui traitent d'aventures alors que lui n'a pas voyagé. Oui, c'est vrai. Alors même si, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, le fait de vivre à Nantes, qui était un grand port marchand, ça pouvait lui donner cette envie d'évasion, de voyage, de quitter un quotidien peut-être qui n'était pas suffisamment exaltant à ses yeux. Mais c'est vrai que son parcours n'est pas un parcours absolument attendu. C'est pas celui que l'on pouvait imaginer. On pourrait établir peut-être un lien très rapide avec George Lucas, qui va justement ensuite être une des figures majeures de la pop culture. Parce que George Lucas, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui fait des films très expérimentaux, comme THX par exemple, et qui ensuite va être amené peu à peu à faire des films beaucoup plus populaires, destinés davantage à la jeunesse. Et là aussi, on a des trajectoires qui ne sont pas tout à fait linéaires en un sens. Laurent Sudray ? Oui, il a un petit peu voyagé quand même, puisqu'il a eu 3 bateaux. Bon, le premier qui était une grosse barque, hein. Bon, il a pas fait le tour du monde avec, mais son troisième bateau, le Saint-Michel, celui qu'on appelle le 3, était quand même un beau bateau. C'était un bateau à vapeur. Il a fait quand même le tour de la Méditerranée avec. Il a quand même voyagé. Et d'ailleurs, il était absent quand son fils est né. Oui. Déjà un peu plus âgé, en fait. Il était un petit peu plus âgé, mais on peut pas dire qu'il n'ait pas voyagé du tout. Il avait en tête quand même de faire des voyages. Il a fait des voyages même assez jeune. Il est parti, il a traversé l'Atlantique avec son frère sur le Great Eastern. Ça a donné un roman d'ailleurs. Donc, mais c'est vrai, je rejoins la question du théâtre et du roman. Il y a eu cette bascule entre le théâtre et le roman. Mais il a gardé, justement, dans ses romans, ce talent pour les dialogues. Oui. Alors, Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune. Un grand nom de la chanson nous a lui aussi invité à visiter l'astre lunaire. On écoute Frank Sinatra avec Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, Frank Sinatra avec Fly Me to the Moon dans Blockbuster sur France Inter. On ne connaissait, à Phileas Fogg, ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Je revois parfaitement notre première rencontre. Phileas Fogg observait sans bouger d'un cil l'aiguille d'une pendule compliquée indiquant heure, minute, seconde, jour, année, que sais-je encore. Vous êtes français et vous vous nommez John. Je m'appelle Jean, n'en déplaise à monsieur. Jean Passepartout, un surnom, dû à mon aptitude à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, mais pour être franc, j'ai fait pas mal de métiers. Chanteur ambulant, écuyer de cirque, professeur de gymnastique, et même sergent de pompier. Voilà pourquoi cette poitrine large et cette belle musculature, qui, je dois l'avouer, plaît assez aux femmes. Présentation un peu longue et inutile, mon ami. Passepartout me convient et vous m'êtes chaudement recommandé. Bien. Quelle heure avez-vous ? 11h22. Vous retardez. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes, n'importe. Il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous entrez à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate et disparut sans ajouter une parole. C'était un extrait du Tour du Monde en 80 jours, le livre audio édité par Naïve en 2004, avec la voix de Bernard Giraudot dans le rôle de Phileas Fogg et Robin Renucci dans le rôle de Jean Passepartout. Bruno de la Briolle. Oui. À quel moment dans votre vie avez-vous découvert Jules Verne et vous vous êtes dit « Oh, voilà quelque chose de singulier ». C'est pendant mon adolescence. Et je pense qu'en ça, je suis un peu comme beaucoup de gens. C'est que c'est effectivement une période pendant laquelle on rêve de voyages extraordinaires. Et je pense que les récits de Jules Verne viennent un peu satisfaire l'ambition de celui à qui on dit toujours « tu n'es pas assez grand pour faire ceci ou pour faire cela ». Et en ça, je pense que c'est pas forcément un côté négatif de la part de Jules Verne, du fait qu'il séduise vraiment les adolescents et les adolescentes, puisque non seulement c'était son objectif initial, mais il y a également une façon un peu de présenter tout un monde, toute une terre, toute une planète, qui sont des endroits dans lesquels on n'a jamais été et qui nous sont présentés dans une langue qui a un côté excessivement merveilleux en même temps que scientifique. Et ça vous ajoute tout un tas de destinations dont vous vous dites « je suis certain qu'un jour j'irai ». Et puis après, vous grandissez, vous vous rendez compte qu'il faut gagner sa vie et qu'on n'a pas tant de semaines de vacances que ça. Mais en tout cas, ça vous reste un peu dans un coin de la tête. Oui. Et cette écriture destinée à un public jeune, est-ce que c'était véritablement quelque chose qu'il voulait ? Parce qu'on sait aussi que la littérature jeunesse, en tout temps, souffre toujours d'un côté un petit peu bégueul. Genre, bon, si c'est de la littérature jeunesse, c'est pas vraiment un livre. Nicolas Allard. Non, pas du tout. Au contraire, lui, il avait de grandes ambitions littéraires. Il retravaillait beaucoup ses textes. Il s'en est souvent plaint, d'ailleurs, de ne pas être assez reconnu pour la forme et la qualité stylistique de son travail. Et c'est seulement a posteriori, d'ailleurs, qu'il a été reconnu, notamment au XXe siècle, par certains écrivains comme Apollinaire, qui considéraient que le style de Jules Verne était de grande qualité. Mais il y a une sorte de méprise, en fait, dans la réception de ses textes. C'est-à-dire que lui pensait s'adresser non pas à un public qui était assez jeune, mais un public également plus adulte, et on peut d'ailleurs rappeler qu'il a souhaité pendant un certain temps intégrer l'Académie française, hein, preuve qu'il ne se percevait pas comme un écrivain véritablement populaire. Laurence Sudret ? Populaire, si, mais pour adolescent, non. C'est-à-dire que ça, c'était l'objectif de son éditeur, Hetzel. C'était ce que Hetzel lui avait demandé de faire. Donc il s'est plié à cette règle-là, il l'a fait de bon cœur, et il l'a bien fait d'ailleurs. On le voit, puisque effectivement, ça, les adolescents se sont retrouvés dans les romans de Jules Verne. Mais lui en a beaucoup souffert, et ça l'a vraiment meurtri, parce qu'effectivement, dans sa correspondance avec Hetzel, il y a plusieurs appels du pied qu'il fait pour pouvoir entrer à l'Académie française. Et je pense qu'il a beaucoup souffert de ce regard qu'on avait sur ses œuvres. Et finalement, peut-être que c'est très bien qu'il ne soit pas rentré à l'Académie française. Ce monsieur Hetzel, ce Pierre-Jules Hetzel, comment ils se sont rencontrés avec Alors, ils se sont rencontrés parce qu'Hetzel était un grand éditeur, et par un ami commun, ils ont été un petit peu en contact. Et puis un jour, Jules Verne lui a apporté le manuscrit de 5 semaines en ballon, qui avait une certaine forme, qui était son premier roman, le premier roman qu'il apportait. Qu'il montrait comme ça, et c'était un peu décousu. Hetzel lui a donné quelques consignes, puisque Hetzel a senti, je pense, le filon, ce qu'il pouvait tirer de Jules Verne et de son talent. Il lui a demandé de remettre un petit peu ça en forme, et il est revenu, il a travaillé d'arrache-pied, parce que c'était un grand travailleur. C'était vraiment, d'ailleurs, il parlait de lui comme d'une bête de somme, puisqu'il habitait à Amiens, et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et donc, ça a été le début des voyages extraordinaires. Mais il le dit lui-même, quand on n'écrit pas pour les enfants, on ne devrait pas être lu que par les enfants. Il a souffert de cette image-là. Et d'ailleurs, ça ne fait pas si longtemps que ça que Jules Verne est quand même reconnu comme un grand romancier. Voilà. Et moi, je peux vous dire que l'entrée de Jules Verne dans la Pléiade, je l'ai fêtée royalement, vraiment. Ça a été un grand moment. Bruno de la Briolle, et maintenant que vous êtes un jeune homme adulte, un adulte convaincu, est-ce que Jules Verne continue d'avoir une place dans vos lectures ? Oui, tout à fait. Bah, d'abord, je pense que, en ça, dans le fait que Jules Verne rêvait d'être un peu mieux accepté, qu'il a présenté à l'Académie française, etc., il fait un peu penser à Arthur Conan Doyle, qui lui-même est le père de Sherlock Holmes, et qui se désolait un peu d'être d'abord connu pour Sherlock Holmes, qui lui paraissait être du roman populaire qui était un peu indigne de lui. Et il a même d'ailleurs essayé de tuer le personnage plusieurs fois pour s'en débarrasser. Oui, tout à fait. Et justement, il rêvait seulement d'écrire des chroniques historiques, des choses qui seraient vraiment de la vraie littérature, quoi. Si Jules Verne intéresse les adolescents, c'est quand même pas pour rien. C'est parce qu'il y a aussi un certain sens de l'intrigue, du rythme. C'est aussi facilité par la forme du feuilleton. C'est-à-dire que parfois, vous avez un chapitre qui se termine et avec écrit « et il prit la parole en ces termes », deux points. Et puis, vous savez qu'en fait, les gens ont dû patienter pour le lire. Et donc, finalement, aujourd'hui, je trouve que ce sens de l'intrigue continue d'être excessivement pertinent. Ça, c'est clair, mais je trouve qu'il est vrai qu'il y a un côté un peu daté, désormais, de Jules Verne dans l'approche scientifique. C'est-à-dire que quand vous lisez un peu ses calculs dans Voyage au centre de la Terre, par exemple, vous vous dites, mais en réalité, c'est impossible. Et tout ça a bien été démontré comme étant impossible. Dans De la Terre à la Lune, ils partent en canon, lancés par un canon. On sait que c'est pas possible. Donc c'est difficile désormais de se laisser emballer par ça. Elon Musk a dit que c'était pas encore possible. Ah bon, bah si, Elon Musk l'a dit. Mais voilà, et puis c'est aussi potentiellement un peu daté pour les adultes aujourd'hui, pour la raison que ça dépeint une hiérarchie sociale qui est quand même éloigné. Là, on a entendu un passage avec le capitaine Nemo, mais aussi avec Phileas Fogg, c'est des gens qui ont des domestiques. Donc effectivement, aujourd'hui, on relit ça, on lit la présentation des Indiens dans Le Tour du Monde en 80 jours, la présentation des Islandais dans Voyage au centre de la Terre, qui sont présentés de façon... Oui, ça reste un homme de son époque. C'est ça, ça reste un homme de son époque, et je pense qu'il y a tout à fait lieu d'en être un peu étonné, ou en tout cas stupéfait, parfois un peu dérangé. Les personnages féminins ne sont pas si présents que ça. Mais je pense que néanmoins, il y a vraiment une porte d'entrée qui pour moi était décisive, et qui est la porte d'entrée de la langue. Et justement, vous parliez de Apollinaire tout à l'heure, la phrase d'Apollinaire est de dire « quel style, il n'y a rien que des substantifs ». Et c'est vrai que, quand vous lisez Jules Verne, il y a des paragraphes et des paragraphes entiers de termes techniques, de termes savants qui étaient potentiellement inventés à l'époque, que les gens ne connaissent pas forcément, qui ont un potentiel poétique très important. Et aujourd'hui, on pourrait avoir un peu tendance à se dire, bon, ça y est, oui, c'est un vocabulaire qui crée une forme de sidération. Tout à fait. Voilà, un sentiment d'incrédulité scientifique, mais qui n'est pas forcément plein de véracité. Non, mais en tout cas, qui crée un exotisme. Vous voyez, et par exemple, il y a un poète qui est proche d'Apollinaire aussi, qui est Blaise Cendrars, et qui a beaucoup joué là-dessus aussi, sur des sortes d'énumérations de mots invraisemblables. Alors lui, c'est plutôt des mots de pays, alors que pour Jules Verne, c'est les mots de la science. Mais en tout cas, il y a vraiment un désir de... C'est pas un érudit qui cherche à faire de la fiction. Vous voyez, c'est d'abord un poète qui cherche à créer des mythes. Et le capitaine Nemo, c'est devenu un mythe. Phileas Fogg, c'est devenu un mythe. On évoque aujourd'hui le grand Jules Verne avec Nicolas Allard, Laurence Sudret et Bruno de la Briolle. Mais pour le moment, on réécoute un de mes coups de cœur de cet été, Del Grès avec Aléa. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand, notre stagiaire Robinson Radonac et notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. Et aujourd'hui, Mathias Saléon à la technique et Jean-Philippe Jeanne au mixage. Déjà, c'était bien, mais surtout, c'était Delgrès avec Aléa. Blockbuster. C'est une dangereuse expédition à laquelle nous allons participer. Nous nous lançons à la poursuite d'un monstre mystérieux. Frédéric Sigrist. Qui s'attaque aux navires et les coule parfois, puis disparaît sans que l'on puisse savoir à quelle espèce il appartient. On sait seulement qu'il est immense, doué d'une force terrifiante, capable de transpercer de son éperon les coques les plus solides et de s'enfuir en distançant les bateaux les plus rapides. Sur France Inter. 5 années de blockbuster dans les pattes et je continue d'être surpris, car même un auteur classique tel que Jules Verne, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je reste très sceptique sur la spontanéité de ce génie. Ça me fait penser à certaines idées qu'on trimballe aussi depuis des siècles sur Léonard de Vinci. Ça n'a aucun intérêt tout ça, puisqu'on a déjà inventé tout ce qu'il avait prévu. Je me demande si Jules Verne n'est pas le Léonard de Vinci des ploucs. Ou le géo trouve tout des gens chics, ce qui revient nous-mêmes d'ailleurs. Un mauvais moment à penser. Jean-Louis Aisine dans, évidemment, Le Masque et la Plume en 1994. Hein, on ne pourra jamais les accuser de nous avoir pris en traître. Ils sont très, très, très, très fiables là-dessus. Toutes les époques, il y a toujours quelqu'un qui dit « Non mais moi je déteste, en fait, c'est vraiment nul. » Nicolas Allard, quoi penser de cette analyse rétrospective de Jules Verne ? Je pense qu'elle est assez injuste quand même, parce que justement on parlait de science tout à l'heure, mais Jules Verne, pour certains de ses ouvrages, prenait des conseils auprès de scientifiques de son époque. Et en cela d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que il préfigure déjà des pratiques qui vont avoir cours au XXe siècle et au XXIe siècle. Prenons par exemple le cas de Nolan, qui s'est entouré de scientifiques et notamment d'un prix Nobel pour réaliser Interstellar, ou de... Oui, Christopher Nolan, le réalisateur. Oui, bien sûr. Je le dis pour les auditeurs. Oui. Ou alors Steven Spielberg, qui s'entoure du paléontologue Jack Horner pour Jurassic Park. Donc, en fait, il a des pratiques qui ne sont pas si datées que cela et que l'on retrouve maintenant dans un autre domaine qui n'est pas nécessairement la littérature, mais le cinéma, par exemple. Donc, c'est assez facile, a posteriori, effectivement, de critiquer Jules Verne. Peut-être aussi, y a-t-il un petit peu de jalousie, parce que c'est un écrivain, comme vous l'avez dit dès le début de l'émission, qui est le deuxième auteur le plus lu au monde et qui continue à plaire à des personnes qui sont très différentes, qui appartiennent à des milieux qui ne sont pas nécessairement littéraires, et que l'on soit jeune ou moins jeune, Jules Verne continue à fasciner et à inspirer d'ailleurs des artistes du monde entier. Et Nicolas, justement, vous disiez que c'était le deuxième auteur le plus lu et le plus traduit en langue étrangère. Oui. Et comment on explique que quelqu'un qui a une telle un tel attachement à la France, à un territoire, Nantes, la mer et tout ça, ait réussi à séduire le monde entier assez rapidement finalement. Parce qu'en fait, c'est l'un des premiers écrivains qui cherche vraiment à élargir le plus possible la sphère des possibles dans ses œuvres. C'est un écrivain dans Les Voyages Extraordinaires. On a pratiquement tous les pays du monde qui sont représentés, j'exagère à peine en disant cela. On a également des personnages qui viennent de pays très différents les uns des autres. Les personnages franco-français ne sont pas majoritaires dans Les Voyages Extraordinaires. Donc, c'est très intéressant. Et là aussi, il a influencé finalement les œuvres de pop culture qui ont tendance à élargir le plus possible, à ne pas se limiter à une civilisation, à une culture précise. Jules Verne, lui, parle au monde entier. Finalement, c'est le monde entier qui se donne rendez-vous dans les romans de Jules Verne. Et on a évoqué un peu plus tôt aussi son rapport aux femmes, la représentation des personnages féminins dans l'œuvre de Jules Verne. Et vous le disiez hors antenne, Laurence Sudret, ça n'est pas aussi stéréotypé et aussi réactionnaire qu'on pourrait le penser. Non, pas du tout, puisque au contraire, on lui reproche beaucoup d'être misogyne. Et alors, il y a un reproche qu'on peut lui faire, effectivement, c'est d'être relativement misogame. Il n'a pas quand même un grand amour du mariage. Son mariage, à lui, d'ailleurs, n'était pas une grande réussite, à mon avis. Mais d'ailleurs, donc, même son rapport à la sentimentalité, ça m'a eu l'air d'être le problème, un peu compliqué. C'est très compliqué pour lui en tant que romancier. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il ne sait pas écrire d'amour. Sur l'amour, pardon. Hetzel lui demande d'ailleurs d'ailleurs de mettre un petit mot du cœur, comme il le dit dans une lettre à propos d'un de ses romans qui s'appelle Le Rayon Vert, parce qu'il trouve que ça manque un petit peu de sentiment. Et Jules Verne lui répond, mais ce mot du cœur, je ne peux pas le mettre. Si je savais le mettre, il y serait déjà. Et il reconnaît qu'il ne sait pas parler, il sait pas parler d'amour. Donc c'est un problème de romancier. Alors c'est vrai que du coup, ces personnages féminins sont souvent des personnages qu'il ne fait pas beaucoup parler, parce que il n'est pas très doué avec ça. Mais il y a quelques figures féminines qui sont assez extraordinaires, justement, dans Les Voyages Extraordinaires. On a le cas de Dolly Brannigan, qui part à la recherche de son mari, qui est très inspiré de Lady Franklin, et qui est le personnage principal du roman. Aouda, dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Elle fait le tour du monde avec un homme qu'elle ne connaît pas, et arrivée à Londres, elle qui est indienne, elle le demande en mariage, lui qui est britannique. C'est quand même une situation assez incroyable. Et il le fait de la façon la plus naturelle qui soit. Donc je pense que c'est un reproche qui n'est pas juste. On ne peut pas s'appuyer sur Les Voyages Extraordinaires pour dire que Jules Verne était misogyne. Après, que lui-même, en tant qu'homme, ait eu des propos sexistes, ça ne fait aucun doute. Là, je pense que dans sa correspondance, on le voit. Mais bon, trouvez-moi un romancier du 19e siècle ou même un homme du 19e siècle qui n'a jamais tenu un propos sexiste de sa vie. Je pense qu'on ne peut pas reprocher ça à Jules Verne. Et politiquement, quel genre d'homme était-il ? Parce que moi, j'ai pu lire qu'il avait des positions très très antimilitaristes au début de sa vie, que ça a évolué au fur et à mesure. Mais politiquement, est-ce que c'était plutôt... est-ce qu'il est resté monarchiste, je crois, toute... Alors, il est, oui, on peut le dire un peu. Enfin, il était monarchiste peut-être au départ. Bon, c'était quelqu'un de relativement, on va dire bourgeois dans son état d'esprit, à tout point de vue. C'est-à-dire que s'il a écrit sur des personnages qui étaient vraiment des anarchistes ou autres, dans sa vie personnelle, il ne l'était pas du tout. C'était quelqu'un qui était vraiment très pas timoré, mais qui était vraiment sans originalité aucune de ce point de vue-là. Ce qu'on peut lui reprocher le plus, c'est d'avoir été vraiment un anti-Dreyfusard. D'ailleurs, ça a créé quelques disputes avec son fils, Michel, qui lui était justement du côté de Dreyfus. Donc ça a créé quelques tensions, quelques discussions assez vives entre les deux. Mais ça portait jamais très très loin, puisqu'il n'a pas eu un investissement politique très important. D'accord, il était au conseil municipal d'Amiens, mais c'était vraiment parce qu'il y habitait, et c'était pour s'occuper surtout de ce qui était culturel. Voilà, dont le cirque d'ailleurs, puisque il a eu une grande influence sur la mise en place et la construction du cirque d'Amiens. Bruno de la Brière. Oui, c'est de dire que quand j'en parlais tout à l'heure, relative absence, ou en tout cas le fait que les personnages principaux sont en général des hommes, je le présentais pas du tout comme un reproche ou comme une raison de ne pas lire Jules Verne. Au contraire, je pense que ça permet de comprendre aussi un peu dans quel monde il évolue. Et effectivement, il se présente un peu comme un chantre, comme un ménestrel de l'époque industrielle. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans une époque qui est celle où on croit vraiment à l'apogée de la technique, au fait que ça va vraiment faire évoluer la situation. Il y a cette histoire dans le livre qui s'appelle Les 500 millions de la Bégomme, la création, donc c'est un Français et un Allemand qui reçoivent en héritage une somme faramineuse d'argent, et chacun va créer une ville idéale. Et donc l'Allemand va créer une ville très industrielle, mais au sens un peu négatif du terme, avec plein d'usines, etc. Mais en revanche, le Français va construire une ville qui sera vraiment très hygiéniste, super, tout est bien, etc. Donc il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans un désir de comment dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui la croissance verte. Bah oui, c'est ça. Mais en tout cas, d'un rêve que tout puisse aller mieux, qu'on va un peu plus vite, qu'on peut prendre le train. Il se réjouit de la colonisation britannique en Inde parce que ça crée le train et on peut aller donc plus vite d'un côté à un autre, etc. Mais je pense néanmoins que cet élément-là de relative absence de personnages féminins peut aussi être pas éloigné du ressenti d'un certain nombre de lectrices et de lecteurs. D'autant plus qu'au XIXe siècle, ça permet aussi de comprendre un peu l'époque, de savoir que c'est un siècle qui est particulièrement difficile pour les droits de la femme, et qu'auparavant c'était pas tellement le cas, et qu'ensuite ça s'est un peu amélioré. Mais il y a des auteurs du 19e siècle. D'ailleurs, il y a eu des réformes même de la langue, on en entend beaucoup parler en ce moment, effacer la féminisation de certains mots. Il y a eu un mouvement très réactionnaire sur l'idée d'équité même linguistique. oui. Concernant les femmes. Oui, donc c'est de voir comment est-ce que Jules Verne lui-même, qui naît un peu dans ce monde-là et qui est effectivement issu d'une classe bourgeoise, va essayer de jouer un peu avec, avec cette condition-là. Mais il y a des auteurs du 19e siècle, par exemple Balzac en premier lieu, il y a des personnages féminins principaux dans son œuvre. Chez Zola également, c'est le cas. Disons que c'est une époque où il y a quand même tout un tas de faisceaux. Et je pense que Jules Verne, j'adore et j'en lis des tas et tout me plaît. Mais néanmoins, ça permet aussi un peu de comprendre l'époque. Laurent Sudret ? Oui, si on peut juste rajouter, il faut dire aussi que la plupart des, enfin, les romans les plus connus de Jules Verne, puisque Les Voyages extraordinaires, ça fait une soixantaine de romans. Et les romans les plus connus sont des romans d'aventure pure d'une certaine façon. Et enfin, moi, j'ai toujours dit, bon, 20 milieux sous les mers, vous avez un sous-marin rempli d'hommes, mettez une femme, ça n'a aucune cohérence. Enfin, oui. Dans certains cas, on ne pouvait pas, l'histoire ne se prêtait pas du tout. Et d'ailleurs, les adaptations au cinéma ou à la télévision, qui sont très très très nombreuses, beaucoup ajoutent des personnages féminins, et on voit bien que dans certains cas, ça passe pas du tout. Il avait raison de ne pas en mettre. Nicolas Allard, le fait que Jules Verne ait vraiment été un homme de son époque, est-ce que c'est pas justement aussi ce qui définit son rapport aux découvertes de nouveaux territoires et parce qu'il y a toujours cette notion de conquête qui c'est pas de la découverte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de colonisation permanente d'un territoire là où on arrive. Oui, tout à fait. Et il faut rappeler donc que l'aventure est vraiment au centre de son œuvre, et l'aventure, c'est se confronter à l'inconnu. Et le roman d'aventure, qui commence à être très pratiqué en fait au milieu du 19e siècle, donc s'adresse beaucoup à un lectorat relativement jeune, plutôt masculin. Et il s'agit ici justement d'apprendre aux adolescents à devenir des hommes, à accepter de se confronter au danger, à ce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est également une manière de leur proposer une certaine évasion dans une société effectivement qui s'industrialise, qui accorde peut-être un peu moins d'importance à la question du divertissement. Donc ici, on est bien face à un écrivain qui va chercher justement à élargir le plus possible les horizons de ses lecteurs. Et d'ailleurs, ses voyages dans les pays connus et inconnus, hein, le sous-titre des Voyages extraordinaires, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'aller dans des zones qui sont encore inconnues des êtres humains, que ce soit la Lune ou les grands fonds marins avec 20 milieux sous les mers, par exemple. Jules Verne, par bien des aspects, était visionnaire. Vision, c'est aussi le titre de la chanson de José González qu'on va écouter. Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events. With no one to praise or blame. Ooh. Ooh. Visions, avoidable suffering and pain. We are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our collective destiny. Look at the magic of reality while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next. C'était José González avec Vision. Et d'abord, ne l'oubliez pas, vous avez affaire à un ignorant. Mais son ignorance va si loin qu'il ignore même les difficultés. Il lui a donc paru que c'était chose simple, naturelle, facile, de prendre passage dans un projectile et de partir pour la Lune. Ce voyage-là devait se faire tôt ou tard, et quant au mode de locomotion adopté, il suit tout simplement la loi du progrès. L'homme a commencé par voyager à quatre pattes, puis un beau jour sur deux pieds, puis en charrette, puis en coche, puis en patache, puis en diligence, puis en chemin de fer. Eh bien, le projectile est la voiture de l'avenir. Et à vrai dire, les planètes ne sont que des projectiles, de simples boulets de canon lancés par la main du Créateur. Mais revenons à notre véhicule. Quelques-uns de vous, messieurs, ont pu croire que la vitesse qui lui sera imprimée est excessive. Il n'en est rien. Tous les astres l'emportent en rapidité, et la Terre elle-même, dans son mouvement de translation autour du Soleil, nous entraîne trois fois plus rapidement. C'était un extrait de La Terre à la Lune, lu par le grand Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal sur France Inter en 2010. Pardon, excusez-moi. Nicolas Allard. Pardon, excusez-moi, décidément. C'est pas le Covid, hein. Je vous rassure. Excusez-moi. Nicolas Allard, on sait que Jules Verne était donc amateur de science et de science technique. Et son œuvre a influencé énormément de monde dans la pop culture et notamment le mouvement steampunk. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot le temps que je boive et que je m'étouffe en dehors? Et puis que vous fassiez peut-être un test PCR ou Je l'ai fait. Oui, effectivement. Alors, le mouvement steampunk apparaît en fait dans les années 80, donc bien après la mort de Jules Verne. Il s'agit en fait de ce que l'on appelle un rétrofuturisme, c'est-à-dire que on nous présente un 19e siècle dans lequel les inventions imaginé par Jules Verne et également par H.G. Wells, le grand écrivain britannique, seraient des réalités. Donc il s'agit vraiment de donner du crédit à un univers qui normalement devrait être fictif et qui ici se présenterait comme absolument réel. Le steampunk, on le trouve beaucoup notamment dans les films de Hayao Miyazaki, par exemple Le Château dans le Ciel ou Le Château ambulant. Et Jules Verne, en fait, a beaucoup inspiré les artistes japonais au XXe siècle, puisque le steampunk qui est très présent là-bas. On pourrait également parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, oui, et de Kevin O'Neill, qui est donc une bande dessinée ensuite adaptée en un mauvais film, malheureusement. Oui. Et ici, on a également... Mais une très bonne bande dessinée. Voilà, la bande dessinée est excellente, on peut la recommander à tous ceux qui aiment justement ces univers imaginaires de Jules Verne ou de H.G. Wells. Et donc, effectivement, il a beaucoup inspiré les artistes qui s'intéressent au steampunk, qui sont assez nombreux au Japon. Récemment, d'ailleurs, vous avez proposé une émission très intéressante sur l'Attaque des Titans. Eh bien, l'Attaque des Titan est en partie un héritier de Jules Verne et de ses voyages extraordinaires. Il est aussi cité dans un extrait qu'on a entendu en tout début d'émission, Retour vers le futur. Oui, le troisième opus. Par le Doc Brown, Christopher Lloyd. Oui, exactement. Et d'ailleurs, peu à peu, Jules Verne s'est constitué en un véritable personnage populaire. C'est-à-dire que dans les œuvres de pop culture, il est parfois un véritable héros, voire un super-héros. On pourrait citer de ce point de vue-là le manga français City Hall, donc là aussi Cocorico, qui est un manga très intéressant dans lequel Jules Verne et avec Arthur Conan Doyle dont on parlait tout à l'heure, un héros, quelqu'un qui, grâce au papier, dans cet univers-là, le papier confère un certain pouvoir, permet de créer des monstres, des objets qui sont dotés effectivement de pouvoirs assez extraordinaires, eh bien Jules Verne vient sauver quasiment l'humanité. Donc c'est intéressant de voir à quel point il est devenu, ses personnages comme Nemo sont devenus des mythes, mais lui-même, au fil du temps, est devenu un mythe, une figure absolument majeure de la pop culture, qui est régulièrement citée et célébrée, plus encore à l'étranger qu'en France, même si en France les choses commencent heureusement un peu à évoluer. Et parmi toutes ces adaptations, et là je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'il y en a une qui a recueilli vos faveurs? Comment dire, moi ce qui me frappe, c'est que, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la postérité de Jules Verne et nous parvient encore plus d'un siècle après, c'est que en fait, on trouve des traces de lui vraiment partout. Et je trouvais une trace de lui il n'y a pas longtemps chez Marcel Proust, qui parle de l'air, je crois que c'est l'air attentif et fiévreux d'un enfant qui lit du Jules Verne. On trouve sa trace chez Méliès, avec cet obus dans la tête, dans l'œil de la lune. Mais moi, je dirais que celle qui m'a beaucoup marquée et celle par laquelle j'ai aussi un peu commencé, c'est Hergé, c'est Tintin, en fait, qui s'inspire d'énormément d'idées de Jules Verne, à la fois, par exemple, pour De la Terre à la Lune, Objectif Lune, mais aussi On a marché sur la Lune, où là, c'est également en deux volumes, c'est avec trois personnages, avec un chien, etc. Enfin, reprend vraiment les mêmes idées, avec un alunissage aussi, dont on sait aujourd'hui que c'est pas possible, d'ailleurs. Et puis même le format, finalement, quand vous lisez Jules Verne, il y a énormément d'illustrations qui sont des choses auxquelles il était très attentif. Il donnait beaucoup d'indications là-dessus et qui permettent à la fois d'éclairer, mais aussi de contribuer un peu à la poésie. On voit qu'il fait des retours en disant les personnages devraient être plus petits, le décor plus grand pour que ce soit plus impressionnant. Et donc sur cet élément-là de la forme, eh bien Hergé justement le pousse en faisant carrément une bande dessinée. Laurent Sudret. Alors, moi, je pense que celle que je préfère du point de vue des adaptations en film, ça reste celle des 20 milieux sous les mers de Fletcher, de Disney, qui est des années 50, qui date des années 50, et qui, je trouve, est très, très fidèle à l'univers, aux personnages, avec un casting qui était très impressionnant. C'était très bien joué, c'était vraiment, on s'y croit et c'est très, très beau. Mais, c'est vrai que moi, j'ai toujours été étonnée de Méliès, qui a adapté plusieurs des romans de Jules Verne. Je crois que Jules Verne doit être le seul romancier français du 19e à avoir été adapté de son vivant. Mmh. Ce qui est quand même assez incroyable. Ça veut dire que vraiment, ces romans, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est au-delà du procédé scientifique, on est au-delà de tout ça, parce que s'il y avait que ça, ils auraient disparu depuis très longtemps, ces romans. Or, ils perdurent, ils sont toujours là, ils continuent d'inspirer, ils continuent de faire rêver. Il suffit de voir les Américains qui continuent de refaire en permanence l'île mystérieuse avec Dwayne Johnson, le voyage au centre de la Terre avec Brendan Fraser. Enfin, il est toujours là et il continue de faire rêver, il continue de faire, d'inviter à l'imaginaire, à l'imagination, à la création artistique, culturelle. C'est tout l'objet de votre livre, Nicolas Allard. Oui, tout à fait. Et justement, concernant les adaptations de Jules Verne, moi, si les amateurs de Jules Verne et également peut-être d'animation japonaise, je leur recommanderais très fortement... Nadia et le secret de l'eau bleue. Oui, exactement. Hein, tout à fait. Diede Akiano, qui ensuite est le grand réalisateur d'Evangelion. Effectivement. Parce que là, ce qui est très intéressant, c'est que l'on ne cherche pas à adapter une œuvre de Jules Verne seulement, mais plusieurs, 20 milieux sur les mers, Voyage au centre de la Terre, etc. Il y a plusieurs sources d'inspiration et c'est absolument passionnant. Je vous remercie, c'est la fin de cette émission consacrée au grand Jules Verne. Nicolas Allard, Laurence Sudret, Bruno Delabriole, merci. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de relire Jules Verne, ou même tout simplement de le lire, hein, parce que il est jamais trop tard pour s'y mettre. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Ça me rappelle le temps où j'essayais d'atteindre le centre de la Terre. Je dévorais les livres de mon auteur préféré, Jules Verne. J'ai passé des semaines à préparer l'expédition, mais je ne suis pas arrivé à cette profondeur. Évidemment, je n'avais que 12 ans à l'époque. Tu vois, ce sont les écrits de Jules Verne qui ont complètement transformé ma vie. J'avais 11 ans quand j'ai lu pour la première fois 20 000 lieues sous les mers. À ce moment-là, j'ai pris conscience que je devais consacrer ma vie à la science. Demain dans Blockbuster... Après Pierre Desproges. après Coluche, après Michel Houellebecq, les humoristes préférés des Français. Trois inconnus devenus célèbres. Tout le contraire de François de Rugy, qui est censé être célèbre, mais que personne ne connaît. Un groupe d'humoristes qui ont joué trois frères. Même s'il y en a un, c'est sûr, il n'a pas tout à fait les mêmes parents. C'est sûr. Demain, on parle des inconnus. France Inter.